tu connaissais ma vie ici, mon cœur t'avait tout dit ici, je ne t'avais pas menti. Et si j'avais osé parler ici, mes mots t'avaient touché ici, tu savais pardonner. Même si c'est mort, même si t'as peur, même si j'ai tort, si ce n'est qu'un leurre que dans le décor, tout est cassé. C'est pas fini nous deux, c'est que le début nous deux. Même si c'est fou nous deux, je t'en prie reviens. C'est pas fini nous deux, c'est que le début nous deux. Même si c'est douloureux, je t'en prie reviens. J'ai peur même si t'as tort, si ce n'est qu'un leurre, je nous jette un sort pour oublier. C'est pas fini nous deux, c'est que le début nous deux. Même si c'est fou nous deux, je t'en prie reviens. C'est pas fini nous deux, c'est que le début nous deux. Même si c'est douloureux, je t'en prie reviens. Si l'amour ça se perd, tant pis, nous deux ça ira.